L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Du 12 au 25 mars a lieu la quinzaine du plasma. Nous avons au téléphone Christophe Boya. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association pour le don de sang bénévole Nancy et environ. Et vous allez nous expliquer un peu ce qu'est le don plasma, pourquoi c'est important et pourquoi cette quinzaine. On connaissait déjà le don de sang, bien sûr, mais le plasma. Le plasma, alors c'est quoi le plasma? C'est un élément en fait majoritaire du sang, hein, puisque ça représente 55% du volume sanguin, le plasma. Sinon, il y a aussi les plaquettes, hein, dont on peut parler, mais c'est essentiellement ça. Puis bah, évidemment, toute la partie rouge. Mais en tout cas, le plasma, c'est la partie liquide du sang dans laquelle les cellules sanguines baignent, hein, donc les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. C'est composé d'eau, de sels minéraux, de glucides, de lipides et de protides et de protéines. Donc ça, c'est important puisque ces protéines, elles ont un intérêt thérapeutique pour de nombreux patients. Donc voilà, en quelques phrases, ce que c'est que le plasma. Voilà, sans forcément aller plus dans le médical, bien sûr, non. Mais c'est vrai qu'on connaît beaucoup plus le don de sang. Le don de plasma est moins connu, encore moins le don de plaquettes que vous avez évoqué. Comment ça se passe? C'est un peu plus long déjà, un don de plasma. Alors effectivement, si on compare à un don de sang, on dit qu'un don de sang, entre le moment où on rentre pour effectuer ce don et le moment où on sort, il faut considérer qu'on passe une heure. Pour un don de plasma, là, on monte à une heure et demie. Donc ça laisse le temps de faire le don entre midi et deux, par exemple, pour ceux qui ont des pauses, hein, de se rendre à la maison du don. Alors nous, on a de la chance, on est à Nancy, on a une maison du don qui est boulevard Lebeau. Donc c'est ça, en termes de timing, la différence majeure. On est relié à une machine qui va trier directement sur place le plasma. On est prélevé du plasma, donc ça s'appelle un don paraphérèse. Hein, donc c'est pas un gros mot, hein, mais c'est juste ça. La machine, elle prélève en fait que le plasma, elle restitue les autres composants du sang, pour faire simple, pendant le don. On est relié globalement à la machine, il faut compter 45 minutes en moyenne. C'est la première édition de la quinzaine du plasma, on le rappelle, c'est jusqu'au 25 mars. C'est encore trop méconnu, il y a des manques. C'est essentiellement là, effectivement, la problématique, c'est que c'est méconnu. Et pourtant, il y a un enjeu de souveraineté nationale là-dessus. Il faut savoir qu'on est autosuffisant sur les plaquettes, j'en parlais tout à l'heure, sur le sang également, mais on n'est pas autosuffisant sur la partie plasma. On a des gros besoins en France, hein, puisqu'on verra sûrement des applications à quoi sert exactement le plasma. Mmh. En tout cas, il faut savoir qu'actuellement, on importe 2/3 de nos besoins en plasma. Ce qui peut poser souci, c'est que on ne sait pas réellement comment sont, alors sans vouloir être alarmiste, hein, mais on ne sait pas vraiment dans quelles conditions sont collectés le plasma qui peut être collecté, par exemple, en Amérique. Mmh. Et puis, bah, actuellement, on a un contexte qui fait que sommes-nous certains qu'on aura bien toujours nos importations de plasma venant d'Amérique. Donc, on a des interrogations là-dessus. Donc, du coup, la fédération à laquelle on est rattaché, nous à Nancy, la Fédération française pour le don de sang bénévole, a décidé de lancer une quinzaine du plasma en collaboration, bien sûr, avec l'établissement français du sang, hein, qui est notre partenaire privilégié. Bien entendu, on va rappeler après votre rôle aussi d'association pour le don de sang bénévole Nancy et environ. Mmh. On va y revenir, mais vous avez évoqué bien sûr les applications, l'utilité du plasma. Dans quel cadre c'est utilisé? Il faut savoir qu'on a 500 000 patients qui sont soignés grâce aux médicaments dérivés du sang. Donc, c'est des médicaments qui sont élaborés grâce au don de plasma. En fait, il y a des immunoglobulines, qui plus simplement sont des anticorps, en fait, qui sont dans le plasma, qui permettent de soigner des patients qui souffrent de déficit immunitaire, hein. Globalement, c'est ça. Mmh. Un traitement aussi sur du cancer, par exemple, l'hémophilie. Enfin, j'ai des exemples comme ça qui me viennent en tête de maladies. Et le plasma, en fait, quand il y a un prélèvement de plasma qui est fait, 90% du plasma prélevé permet de produire ces médicaments qui sont dérivés du plasma. Le 10% restant étant transfusé, en fait, quand il y a des hémorragies, quoi, pour faire simple. D'où l'importance aussi d'informer les personnes que ça existe, que c'est pas douloureux, hein, on précise aussi, non, mal. Hein. C'est absolument indolore, on n'est piqué qu'une fois, hein. C'est comme un don de sang, c'est juste un petit peu plus long, donc bah, on se met sur son smartphone, on regarde une série, on lit un livre, le temps passe vite, puis le personnel est super sympa, en plus à la maison du don de Nancy. Je ne doute pas qu'ailleurs ça soit le cas aussi, mais je connais plus ceux de Nancy. Donc ça se passe essentiellement à la maison du don, mais il y a aussi des collectes de sang mobile aussi, ça peut se faire aussi dans ce cadre-là? Le don de plasma se fait uniquement en maison du don. Sur le territoire national, il y en a 106 des maisons du don. Donc, il faut bien retenir qu'effectivement, pour À l'heure actuelle, au moment où on parle là, on ne peut le faire que pour Nancy qu'à Nancy, donc au boulevard Lebeau. Ce qu'on essaye de faire, nous, au niveau des associations, alors moi je suis à Nancy, mais je suis administrateur aussi de l'Union départementale, donc je sais qu'il y a des associations qui sont en train de mettre en place des minibus pour pouvoir amener des donneurs, la Meurthe-et-Moselle étant ce qu'elle est, en termes géographiques, pour amener des donneurs, allez, on va prendre un exemple de Toul, par exemple, c'est pas très loin, mais de Toul à Nancy, donc un minibus de 9 personnes va être emmené de Toul à Nancy. On a aussi, si on s'éloigne un petit peu, je sais que l'association de Saint-Dié dans les Vosges emmène des donneurs de Saint-Dié jusqu'à Nancy. Donc là, il y a tous les deux mois, ils font un minibus. C'est un engagement que la fédération prend pour amener, parce que c'est pas simple en fait, pour les gens. Il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, qui disent, j'aimerais bien donner mon plasma, mais c'est loin, je ne trouve pas le temps. Donc on organise ça de manière à simplifier la collecte. On le voit, donc c'est une démarche qui est quand même un peu plus compliquée qu'un don de sang classique. Vous le dites, il n'y a qu'un seul lieu, c'est à Nancy, donc il y a des choses à mettre en place pour simplifier cette démarche. Donc déjà, on fait savoir, on fait savoir qu'il y a des besoins sur le don de plasma, c'est déjà important de sensibiliser les gens là-dessus, et puis on dit aussi qu'il y a des solutions, je parlais de ces minivans, de ces minibus, c'est une solution, et puis surtout, on fait savoir aussi pourquoi c'est important de donner son plasma. On n'est pas autosuffisant, et puis il y a ce à quoi ça sert, il y a 500 000 patients, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sont soignés grâce à ce médicament. Si on ne peut plus fabriquer les médicaments, il y a quand même potentiellement un risque. L'EFS s'est fixé un objectif, c'est de collecter 1,4 million de litres de plasma d'ici 2028. On n'est pas encore à ce niveau-là, on n'est encore pas au million de prélevés là pour l'instant, mais en tout cas, d'ici 2028, c'est bien ça l'ambition. Donc cette quinzaine du plasma, effectivement, tout à l'heure vous disiez c'est la première édition, il y en aura d'autres. Cette quinzaine du plasma jusqu'au 25 mars, ça c'est pour la quinzaine, mais bien sûr, ça débordera ces dates-là. On n'hésite pas à venir aussi, quand on va donner son sang déjà de manière classique, poser des questions aussi et se renseigner là-dessus. Exactement. Nous, quand on est sur, c'est des bénévoles de l'association. Quand on est sur des collectes mobiles, on sensibilise chaque donneur au don de plasma. C'est important. Et après, ce qu'il y a de bien aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qu'il y a de bien sur le don de plasma, c'est que on peut faire des dons tous les 15 jours. C'est quoi le délai entre deux dons de sang? C'est 8 semaines entre deux dons de sang. En revanche, sur le plasma, c'est 15 jours. Donc, c'est l'occasion de faire de belles actions. Et sachant que si on fait un don de sang total, 15 jours après, on peut faire un don de plasma. C'est important de le rappeler. Alors tout ça, bien sûr, on peut se renseigner sur le site. Il y a le site de l'EFS qui recense tout ça. Sur le site de l'EFS aussi, on peut prendre rendez-vous pour donner son plasma. Alors c'est même vivement conseillé de prendre rendez-vous sur le site de l'EFS. Vous verrez, il y a un petit onglet, je prends rendez-vous. Il y a des applications, une application aussi qui existe, qui s'appelle tout simplement « Don de sang ». Vous allez sur l'application, vous prenez rendez-vous. En plus, il y a un petit, vous pouvez voir si vous êtes éligible au don, puisque il y a quelques questions qui vous permettront de bien valider la possibilité pour vous de donner votre sang. Des questions sur le poids, sur l'âge, évidemment. Enfin voilà, il y a quelques conditions pour pouvoir donner son plasma. C'est comme pour le sang en fait. Bien sûr. Mais juste une différence en termes d'âge, c'est que pour le sang, on va jusqu'à 71 ans, la veille de ses 71 ans, et pour le plasma, c'est la veille de ses 65 ans. Plein d'informations qu'on peut retrouver, bien entendu. Oui. Alors Christophe Voyage, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président de l'association pour le don de sang bénévole Nancy Environ. Je vous laisse le dernier mot, peut-être le dernier argument pour inciter les gens, ne serait-ce qu'à déjà se renseigner, voire prendre rendez-vous dès maintenant. Le dernier mot, c'est n'attendez pas que vous ayez vous-même ou que quelqu'un de votre famille ait besoin d'un médicament dérivé du plasma pour donner votre sang, faites-le avant, quoi. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.